Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Les Retours du passé, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que plus de 70 ans après la fin de la guerre, les derniers témoins commencent à disparaître et que se pose la question de comment perpétuer la mémoire de la Shoah, que ce soit par l'histoire, par le récit, par l'écriture ou le souvenir. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un historien qui écrit pour maintenir un lien entre les vivants et les morts, des photographies trouvées sur la chaussée qui sont comme des images pour remplir les blancs d'une histoire et la dépression qu'il faut savoir apprivoiser. Mais pour commencer, dernier épisode, on revient sur les lieux. Ich verlasse das Lagergelände. Keine Erleichterung stellt sich ein, als ich das Tor der Kommandantur hinter mir zufallen lasse. Kein Aufatmen, kein Trost. Je quitte le terrain du camp. Aucun soulagement ne se manifeste lorsque je laisse se fermer derrière moi la porte de la commandantour. Pas de soupir, pas de réconfort. On vit la fin d'un temps. Das ist der Ort, der in Großmutter wirkte, in dessen Magnetfeld sie lebte, an dem sie sich orientierte, der sie bestimmte und ihre Empfindungen an sich zog. C'est le lieu qui était actif en grand-mère, dans le champ magnétique duquel elle vivait, par rapport auquel elle s'orientait, qui la déterminait et accaparait ses sensations. Les gens qui ont vécu cette période directement vont être de moins en moins nombreux. Donc en ce sens, c'est une fin indubitable. Nun verliert sich der Spuk hinter meinem Rücken. Eine verschwindende Erscheinung, eine sich an den Rändern auflösende, brüchige Oberfläche, unter der die Geschichte dunkel wird, in der Großmutters Erzählungen klingen wie Echos aus lange vergangener Zeit. Le fantôme s'estompe désormais dans mon dos. Une apparition qui s'évanouit, une surface friable dont les bords se défont, sous laquelle l'histoire s'obscurcit, dans laquelle les récits de grand-mère sonnent comme les échos d'une époque depuis longtemps révolue. Ça veut dire que il convient de trouver la place à ce qui s'est passé, trouver la façon de s'en souvenir. Et trouver la façon de transmettre quelque chose, ce qui n'est pas facile du tout, construire un récit, tourner autour de cette absence, de ce trou béant. Les Retours du passé, une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Der Engel der Geschichte wird über mich geflogen sein. Seine Flügel werden einen Schatten auf das Lagergelände geworfen haben. L'ange de l'histoire aura volé au-dessus de moi. Ses ailes auront projeté une ombre sur le territoire du camp. Ich habe sein entsetztes Antlitz im Halbdunkel nicht sehen können, nur kurz geglaubt, einen Flügelschlag gehört zu haben, einen Windstoß in seinen Engelsflügeln vernommen zu haben, in denen sich die Stürme des Kommenden verfingen. Je n'ai pas pu voir dans la pénombre sa face horrifiée. J'ai seulement cru, un bref instant, entendre un battement d'ailes, un coup de vent dans ses ailes d'ange, où s'étaient empêtrées les tempêtes de ce qui est à venir. Écrire l'histoire, c'est toujours la même brûlure, la même expérience. Quelque chose de très physique, d'existentiel. Trouver les mots justes, le bon geste, traiter la blessure sans jamais la refermer. Ja, mein Name ist Maya Haderlap. Je m'appelle Maya Haderlap. Als meine Großmutter gestorben ist, hatte ich das Gefühl, dass quand ma grand-mère est morte, nicht nur sie gestorben j'ai eu l'impression ist, que ce n'était pas seulement ja, elle auch eine Zeit qui était morte, mit ihr gestorben ist. Mais qu'une époque était morte avec elle. Ich bin sehr eng mit der Großmutter verbunden gewesen. J'étais très proche de ma grand-mère. Und ich hatte eine sehr starke Bindung an sie. J'avais un lien très fort avec elle. Vieles hat sie mir erzählt. Elle me racontait beaucoup de choses. Sie ist eine Überlebende des Konzentrationslagers Ravensbrück. C'était une survivante du camp de concentration de Ravensbrück. Und dieses Heftchen hat sie gehabt. Sie hat ein kleines oranges Et elle avait ce petit carnet, un petit cahier orange, qu'elle sortait toujours du tiroir pour me le montrer, sur lequel elle avait noté des choses sur le camp. Das erlebt man als Kind ganz intensiv mit. Quand on est enfant, on vit tout cela très intensément. Und dann habe ich mich eben mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt. In meinem Roman speziell. C'est à ce passé que je me suis par la suite confrontée, dans mon roman en particulier. Also in meinem Schreiben spielt das Vergangene. Le passé joue un très grand rôle dans tout ce que j'écris, un rôle déterminant. Das Zeitgefühl ist, toutes ces expériences passées sehr stark geprägt worden von diesen Erlebnissen, ont considérablement marqué ma perception du temps. Ce moment fondateur où on bascule dans l'histoire, de mon point de vue, c'est pas un moment technique, aux archives ou de lecture. Non, non, c'est une expérience immédiate, physique, existentielle. Je m'appelle Johan Chapoutot et je suis historien. Moi, je suis devenu historien très tôt, enfant, infant même. Tout simplement parce que je voyais des personnes âgées et j'étais en contact avec elles. Je pense qu'on devient historienne et historien d'abord avant tout parce qu'on a des grands-parents, qu'on a une conscience du temps qui passe en étant confronté phénoménologiquement, physiquement, à la fragilité, à la vulnérabilité de l'être humain et à cette profondeur de champ qui vient tout simplement de la comparaison des corps entre un enfant et une personne âgée, tout simplement. Faire de l'histoire, c'est aussi dresser un mémorial ou un cénotaphe de mots à ceux qui sont partis, pour vivre encore leur présence, et c'est redonner vie aux morts. Je m'appelle Christian Ingrao, je suis historien. Ce que je peux dire de mon rôle d'historien, c'est que moi j'ai trouvé dans l'histoire, j'ai trouvé avec l'histoire l'instance et la place socialement identifiée, existentiellement acceptée, qui me permet de tenir quelque chose d'un lien anthropologique entre les vivants et les morts. Au fond, pour moi, être historien n'est pas simplement de l'ordre du scientifique. Pour moi, l'histoire n'est pas une profession, elle n'est pas un état, elle est une instance existentielle. Et sincèrement, Bon, je voulais être historien, mais en fait, je voulais être médiéviste, pas m'occuper du 20e siècle. Je m'occupais du 9e, 10e siècle, et c'était conscient comme choix. Je ne voulais plus replonger dans le 20e siècle. C'était quelque chose qui était beaucoup trop brutal et beaucoup trop proche pour moi. Piotr Tsivinski, directeur du musée de Auschwitz-Birkenau depuis une quinzaine d'années, c'est en fait des survivants qui m'ont demandé en fait de prendre la relève de mon prédécesseur quand il partait à la retraite. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais être dans une période historique où on pouvait être vraiment historien et rien de plus. On peut pas faire de mal à quelqu'un en s'occupant du 9e ou du 10e siècle. On peut pas être négationniste si on affirme que, je ne sais pas moi, Charlemagne n'a pas existé. Je veux dire, c'est une thèse, bon, il serait fou de la défendre, mais ça fait pas de mal à qui que ce soit. Donc j'ai mis 3 semaines à essayer de leur refuser de prendre ce poste, mais au bout de 3 semaines, je suis arrivé à la conclusion qu'on peut pas continuer à vivre avec l'impression qu'on a refusé à ceux qui ont donné tout de soi-même après la guerre pour porter la mémoire. Je veux dire, ça aurait été intenable. J'ai pas fini. Aura-t-on fini un jour? J'en sais rien, mais j'ai encore la force. Il y a un moment où on se dit que soit on a fini, soit on n'a plus la force. Tant que j'ai pas fini et que j'ai la force, je crois qu'il y a encore des choses que je pense pouvoir faire. C'est vrai que les historiens, à la fois du nazisme et de l'ensemble des violences de masse, doivent, pour pouvoir s'approcher des réalités sur lesquelles ils travaillent, payer une sorte de coup psychique. Quelque chose qui est de l'ordre de la brûlure indirecte. Travailler sur la Shoah, travailler sur l'expérience des êtres et des groupes de la violence de guerre au XXe siècle, plus largement, constitue sans doute le plus intense de tous les observatoires de la beauté et de la laideur humaine. Et il est peut-être difficile d'être historien du nazisme, mais je laisserai cette place-là à personne d'autre. Je m'appelle Doron Rabinowitsch. Ich bin nicht ausgegangen davon, wie ich begonnen habe zu schreiben, dass das mein Thema sein wird. Quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas du tout que j'écrirais sur le passé. Wenn wir uns jetzt auseinandersetzen mit dieser Geschichte, die eine ist, die nicht eine Überlieferung ist. Cette histoire n'a rien d'une tradition qui nous aurait été transmise, sondern eine die Quellen hat. Cette histoire repose sur des sources millionenfach belegt. Attesté des millions de fois. Wir begegnen aber gleichzeitig dem Phänomen der Verharmlosung und der Verleugnung. Pourtant, nous sommes aujourd'hui confrontés à la banalisation et à la négation de cette histoire. Und ich bin davon überzeugt, dass das zunehmen wird. Et je suis convaincu que ce phénomène va s'amplifier. Es wird zunehmen, weil wir sehen, wie die Verschwörungsmythen um uns herum wachsen. Il suffit de voir toutes les théories du complot qui germent un peu partout autour de nous. Und die Mutter aller Verschwörungsmythen sind ja die Protokolle der Weisen von Zion, ist der Antisemitismus. L'origine de tous ces mythes conspirationnistes, ce sont les protocoles des sages de Sion, c'est l'antisémitisme. Und die neue Ritualmordlegende. Et la négation d'Auschwitz ist die Auschwitz-Leugnung. Est une nouvelle légende du meurtre rituel. Und die wird sicherlich uns nicht verlassen. Tout cela n'est pas prêt de disparaître. Und dagegen anzukämpfen ist wichtig. Il faut impérativement lutter contre. Meine Schriften als Historiker ist das, was ich dazu beitrage. Et c'est ce à quoi je m'emploie dans mes ouvrages d'historien. Was ich schreibe, als der ich schreibe, ist ein Widerspruch gegen das Ziel und den Plan der Verbrecher. Que quelqu'un comme moi écrive contredit déjà en soi les objectifs que s'étaient fixés les criminels. Adolf Eichmann hätte sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als ein Jude, ein selbstbewusster Jude sozusagen auch, ein historisch bewusster Jude, der literarisch in Wien und auch über die Erinnerung schreibt. Adolf Eichmann n'aurait pas pu imaginer pire scénario qu'un juif comme moi, assumant sa judéité et cultivant sa conscience historique, s'attelle ici, à Vienne, à l'écriture du souvenir. Insofern ist mein Schreiben ein Widerspruch gegen das Verbrechen. Mon écriture est en ce sens une contradiction du crime. Aber mein Schreiben ist gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung mit dem, was mich angeht, was mich ausmacht. Mais mon écriture est aussi une confrontation avec ce qui me concerne, matin. Und was mir die Sprache verschlägt. Et me laisse sans voix. Und das geht so nicht in der Wissenschaft, denn dann würde ich polémisch sein. Ce qui est unwissenschaftlich. Incompatible unrédlich. Avec une démarche scientifique, parce que je pourrais être polémique, argumenter de manière non scientifique ou me montrer même malhonnête. Und besonders stark war es auch in meinen dramatischen Versuchen. Et c'est ce que démontrent très clairement mes expériences théâtrales. Die letzten Zeugen. Die Erinnerung von 6 Überlebenden. Comme cette pièce, Les derniers témoins, où je mets en scène la mémoire de 6 survivants. Diese Menschen, tous ces témoins, meine Eltern, meine Großmutter, comme mes parents ou ma grand-mère, sind unwiderrufbar weg, sont définitivement partis de façon irrémédiable. Aber wir können uns an sie erinnern. Mais nous pouvons nous souvenir d'eux. In der Literatur kann ich darstellen, wie es gewesen sein wird. La littérature est précisément ce qui permet de représenter ce qui aura été. Und das ist, glaube ich, unübersetzbar. C'est pratiquement intraduisible. Wie es gewesen sein wird, bedeutet, ce qui aura été n'est pas ce qui a été. C'est ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu être vécu par celui qui l'a vécu. Wie es gesehen sein wird, mais c'est aussi ce qui sera, ce que nous en ferons. Nachkommenden. Nous, les descendants. Que Hannah Arendt dit cette chose, comment elle dit ça? Elle dit, vous savez, l'émotion, c'est pas du tout le contraire de la raison. Le contraire de l'émotion, c'est l'insensibilité. Et elle dit, il y a certains sujets, la Shoah par exemple, où vous pouvez pas en parler sans colère. Si vous n'avez pas cette émotion-là, au moins la colère, vous êtes insensible. Et étant insensible, vous ratez quelque chose de l'histoire elle-même. Sachez bien que pour être témoin, il faut enregistrer les choses. Un enregistreur, ça doit être sensible. Un enregistreur, c'est pas un greffier. Un enregistreur, c'est un sismographe. Un sismographe, il est sensible à tout. Donc vous, quand vous écrivez sur l'histoire, vous êtes à votre manière, vous endossez une position de témoin de votre rapport à ce passé. Et donc, il ne faut pas nier qu'il y a de l'émotion ici ou là. Je m'appelle Georges Didier Huberman et j'écris. Je pense qu'il est impossible de séparer les faits effectifs des faits affectifs. Je pense que chaque fois qu'il y a un fait effectif, il y a un fait affectif qui mérite d'être considéré comme faisant partie de l'histoire. Par exemple, vous connaissez Victor Klemperer, sa magnifique analyse de la langue totalitaire, LTI, et on crédite souvent Klemperer d'avoir écrit sans pathos aucun. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Tout, déjà, si on lit LTI, mais surtout si on lit le journal d'où vient LTI, il y a du pathos à chaque ligne. Simplement, c'est un pathos qui n'est pas narcissique. Narcissiser l'émotion, c'est nier l'émotion. D'ailleurs, regardez le mot émotion, émotion. Donc, l'émotion vous fait sortir de vous. Et ben, c'est justement ça qui est très intéressant, parce que vous sortez de vous, et donc en sortant de vous, vous avez du coup une possibilité d'être en distance par rapport à vous-même. D'où la difficulté d'un récit qui soit celui d'une expérience, donc sans nier l'émotion, et d'une leçon au-delà. Or, il y a un texte que j'ai adoré. C'est le texte de Gershom Scholem sur la lamentation et la prophétie, qui est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il dit que la lamentation et l'enseignement vont de pair. Il faut inventer une lamentation qui enseigne, ou il faut inventer un enseignement qui soit porteur d'affects, des affects qui nous concernent tous. Voilà. Alors ça, c'est problème, on va dire, ontologique ou métaphysique classique, hein, pour le récit historique, qui est qu'il est difficile de ressusciter par le signe, par le verbe, par le mot, une réalité infiniment plus complexe, chatoyante, physique, charnelle. Bon, mais la question se pose d'autant plus lorsque on a affaire à des crimes paroxystiques, à la violence extrême, et à cet océan de douleurs physiques et psychiques qu'ont subi des populations entières pendant cette période. Il y a une insuffisance du langage. Alors moi, le parti que j'ai pris, c'est de m'intéresser aux criminels et d'essayer de voir comment les êtres humains pouvaient devenir criminels à ce point-là, de déplier leur logique à eux, les bonnes raisons qu'ils avançaient et qu'ils s'avançaient à eux-mêmes pour justifier, se justifier à eux-mêmes aussi, ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Moi, j'ai une intelligence, une écriture analytique, on va dire, assez systématique, assez logique, qui me permet d'accéder précisément à la logique des criminels et à cette loi du sang qui était la leur. Et il y a d'autres dimensions de cette période qui me sont inaccessibles. La description des violences extrêmes, je pense pas savoir faire. La manière de comprendre et d'épouser la douleur des victimes, là aussi c'est autre chose. La fiction, pour moi, la fiction me semblait impérieuse et évidente parce que nous ne sommes pas des témoins et que la fiction permet de dire une vérité sans offenser la mémoire des morts, je pense. Je suis Clara Royer et je suis romancière et scénariste. Au début, je me rappelle que je ne le plaçais pas sous l'angle de la mémoire, mais sous celui de l'identité, à un moment où je m'interrogeais beaucoup sur ce que ça pouvait être, l'identité. J'avais un rapport à la Hongrie un peu plus compliqué, parce que je savais que notre famille en venait, et je ne connais pas grand-chose de cette famille hongroise. Ma grand-mère m'a dit qu'ils étaient tous morts, mais je ne sais rien. Et bizarrement, paradoxalement, pour quelqu'un qui a fait des études d'histoire et qui est censé maîtriser la question des archives, et d'autant plus que j'ai travaillé sur l'histoire culturelle de la Hongrie. Donc les archives hongroises, je connais, et je n'ai jamais eu le courage de chercher ce qui s'était passé. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne voulais absolument pas travailler sur la Shoah, parce que je ne pouvais pas. C'était presque insurmontable. En tout cas, pas en tant qu'historienne, ni même en tant qu'historienne littéraire, à ce moment-là. Et j'ai pas eu le choix. J'ai rencontré celui pour lequel je me suis mise à écrire, c'est-à-dire le réalisateur Laszlo Nemes. Et c'est lui qui m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Parce que Laszlo est arrivé avec cette idée folle d'une histoire dans laquelle un homme travaillant dans le Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau reconnaissait son fils parmi les cadavres et décidait de l'enterrer. Et c'était tellement viscéral, c'était tellement simple comme phrase, et c'était tellement évident comme histoire que, tant pis, je suis sortie de ma zone de confort. Même si nous avons été très vigilants sur le réalisme historique de ce que nous avons montré. Il y avait les travaux de Philippe Ménard, il y avait les travaux d'historiens hongrois, et puis aussi le travail d'un historien israélien qui s'appelle Gideon Greif, qui avait conduit une série d'entretiens avec des survivants du Sonderkommando, qui ont été recueillis dans un livre qui s'appelle « We wept without tears »,« Nous pleurions sans larmes ». Ces quelques pages qu'on a retrouvées, qui avaient été écrites en yiddish, qui avaient été enterrées comme des bribes de mémoire qu'on essayait d'arracher, et dont à l'oubli, les fameux manuscrits sous la cendre, on savait tout ça. Mais le but n'était pas didactique, le but était vraiment de sortir la Shoah des manuels d'histoire, en fait, de redonner vie à un visage de fiction. C'était ça le but. Et on a écrit tout de suite sous l'influence de quelques principes. Le fait qu'on voulait éviter de faire un film d'horreur à tout prix, le fait qu'on voulait entrer dans le point de vue d'un personnage et d'être vraiment avec lui, de proposer une expérience personnelle dans un endroit si dépersonnalisant que le cœur de Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire au sein du Sonderkommando. C'est vraiment cette question de qui voit et comment le spectateur s'intègre à cette, au voyage de ce personnage. Comment est-ce qu'il l'accompagne? Comment il en devient un compagnon? Et je pense que c'est pas pour que le spectateur devienne un témoin de ce qui s'est passé, mais qu'il devienne un témoin dans le film, dans l'espace du film. Que ça l'interpelle presque par l'essence, et que ça le hante. Dans le fond, je crois que c'est une transmission de hantise. Le fils de Saul aussi. Mam wrażenie, że opowiadając, trzeba opowiadać jednocześnie o tym, że jest dobro i że jest zło, ponieważ każda inna wersja jest kłamliwa, zakłamana. J'ai l'impression que lorsqu'on raconte une histoire, il faut dire que le bien et le mal existent en même temps, car toute autre version serait un mensonge. Et je suis toujours étonnée, non pas que le mal existe, mais qu'il soit si proche du bien. Je me demande toujours d'où il vient. C'est une éternelle question, mais la littérature consiste à poser éternellement des questions, encore et encore, sans espoir d'obtenir une réponse. Elle sortait une carte. Elle trouvait le village d'où venaient les parents polonais. puis la ville la plus proche, la forêt la plus proche, le camp d'extermination le plus proche. Elle disait, ce ghetto a été liquidé en 1943. Ils ont dû être conduits au camp par cette route. Votre mère juive a pu vous laisser dans ce village, ou plutôt dans cette forêt. Il l'écoutait, tout en approuvant avec ardeur. Une femme feuilletait le document soigneusement rangé dans une boîte à chaussures. Dans un coin était assis un homme qui ne cherchait rien, ne feuilletait rien et ne disait rien, mais qui souriait à tout le monde de son sourire hébété et larmoyant. Parmi la demande d'Ausweis de la ville de Cracovie, il a retrouvé sa mère, expliquait Małgorzata B. Il y avait une photo. C'est la première fois qu'il a vu son visage. Il est ainsi depuis 2 heures. Et il ne pleure pas ? Si, il pleure, mais intérieurement, répondit Małgorzata. Ne restez pas autour de lui. Il ne faut pas le déranger. Je m'appelle Hanna Kral. Zastanawiam się, kim ja byłabym, jaka byłabym, gdyby nie druga wojna światowa. Je me demande qui je serais, à quoi je ressemblerais s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Co bym robiła? Przypuszczam, żebym pisała, ale o czym pisałabym, gdyby nie było wojny? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je suppose que j'aurais écrit, mais sur quoi aurais-je écrit s'il n'y avait pas eu la guerre? Ale ja o nich napisałam. Zawsze w trzeciej osobie. J'ai toujours écrit à la troisième personne. W paru miejscach jest o mnie i o mojej mamie, ale zawsze w trzeciej osobie. S'il est parfois question dans ce que j'écris de moi et de ma mère, c'est toujours à la troisième personne. Bo ja w pierwszej osobie nie umiem opowiadać, ani pisać, ani opowiadać. Parce que je ne peux pas écrire ou raconter des histoires à la première personne. Jest taka scena na komisariacie, na której, w którym byłam ja i moja mama. Zawsze opowiadam, że była tam kobieta z dziewczynką. Nigdy nie mówię, że to byłam ja z mamą. Co to za zdanie? Ja i mama. Cette scène, par exemple, au poste de police. Je dis toujours, il y avait là une femme avec sa fille. Je ne dis jamais, moi et ma mère. Ja mogę na taką bezpieczną odległość odsunąć od siebie i tę kobietę, i tę dziewczynkę. C'est ce qui me permet de créer une distance entre moi et cette femme avec sa fille. La bezpieczna odległość. Une distance de sécurité. Przede wszystkim ja zawsze pisałam o ludziach pojedynczych. J'ai toujours écrit à partir d'un individu singulier. I czas też był zawsze pojedynczy. Zawsze to było pojedyncze życie. Dans un temps singulier, pojedynczy człowiek. Menant la vie singulière d'un être singulier. Ja wymyśliłam sobie taki sposób pisania, j'ai inventé cette façon d'écrire, żeby prowadzić narrację, pour pouvoir mener la narration bohatera. Dans la langue même du protagoniste. Ja opowiadam pojedynczo, a historyk globalnie. Moi, je parle d'un individu en particulier. L'historien le raconte globalement. Nie mam takiej wyobraźni. Moja skala jest skalą pojedynczego losu. Je n'ai pas cette imagination. Mon échelle est l'échelle du destin individuel. Jaką formę znaleźć? No to... Quelle forme trouver pour raconter? Każdy piszący albo robiący filmy, albo... C'est à chacun de trouver sa propre forme, qu'il écrive, fasse des films ou de la musique. Ma méthode, c'est la retenue. Il est très facile d'être inadéquat lorsqu'on parle de la Shoah, de céder à la tentation du beau, à la trouvaille d'un joli mot. Il est facile d'être inapproprié. Il faut rester vigilant. Faire très attention à ne pas céder à la tentation d'écrire joliment. La retenue. Je ne trouve pas d'autre terme. La retenue. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Imre Kertész. Dans Être sans destin, on suit l'histoire d'un adolescent de 14-15 ans qui raconte tout avec une sorte de fausse candeur. Qui raconte la façon dont il est déporté avec la même ignorance que lorsqu'il raconte qu'il a embrassé sa petite voisine, quelques pages plus tôt. Et le but de Kertész, c'était vraiment de pas faire pleurer le lecteur en racontant les horreurs, etc. Pleurer, c'est facile. Et pleurer, c'est d'une certaine façon se dédouaner un peu trop facilement. C'était plutôt de lui montrer qu'il y a une blessure là. Et cette blessure, lui aussi, il peut la porter. Et cette blessure, il devrait pas se dépêcher de la refermer avec le sel de ses larmes. Il faut que cette blessure reste ouverte. Kertész ne répare pas. Kertész laisse ouvert. Il prend le couteau et il enlève les points de suture. Et je pense que c'est le bon geste. Mélabo. C'est l'un des plus beaux mots du hongrois. Mélancolie. On dit mélancolique tout être contraint de céder sans condition à ce sentiment d'errer dans les ténèbres en quête de lumière. Et l'on désigne un tel état par le mot de mélancolie. La couleur de l'état d'âme mélancolique est le noir. Ich heiße Peter Nádas, bin fast 80 Jahre alt. Je m'appelle Peter Nádas. J'ai presque 80 ans. Das ist ganz einfach zu sagen. Ich tauche durch Depression, zur tiefsten Depression. Pour moi, plonger dans le passé, c'est très simple. C'est plonger dans la dépression, au cœur de la dépression. Ich musste mich aus dieser Depression herausarbeiten. C'était impératif. Il fallait que je trouve un moyen de m'extirper de cette dépression. Also ich weiß, wie ich hineingehe und wie ich hinauskomme. Et je sais aujourd'hui comment faire. Comment y entrer et comment en ressortir? Und ich habe mich etwas verbotenes. Parce que j'ai osé pratiquer ce que Freud erlaubt, avait interdit. Was Freud, Sigmund Freud, verbietet. Selbstanalyse. L'auto-analyse. Aber mit Recht hat das verboten. Das darf man Freud nicht avait machen. Raison de l'interdire. Das darf man nicht machen. On ne doit pas, il ne faut pas faire ça. Mais je l'ai fait quand même. Ich habe doch gemacht und durch diese eingespielten Wegen et grâce à cette pratique désormais bien rodée, bis heute. Je suis capable de faire cette plongée et d'en ressortir sain et sauf. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Es kann sein, dass morgen nicht mehr und morgen werde ich verrückt. Il se peut que demain je bascule dans la folie. Vous voyez tous ces papiers? Je termine l'écriture d'un roman et ce matin, je sentais vraiment que je commençais à devenir fou. und vielleicht morgen. Peut-être que je vais le devenir complètement. Gänzlich verrückt zu werden. Aber ich kann hineinkommen und hinauskommen. Mais je sais désormais comment entrer et sortir. In der Erinnerungsarbeit. Je sais comment travailler ces souvenirs. Lebensereignisse. Comment faire ce travail de mémoire. Ereignisse eines Lebens sind irgendwohin hineingefügt. Die stehen nicht lose. Les événements d'une vie ne sont pas placés n'importe comment les uns par rapport aux autres. Oder wenn sie lose stehen, das hat auch eine kompositorische Bedeutung. Ou si c'est le cas, c'est un type de composition qui veut dire quelque chose. Also mir ist Struktur, diese Struktur eines Ereignisses oder ein Lebenslauf wichtiger oder eines Romans. Pour moi, la structure d'un événement, d'une vie ou d'un roman, c'est ce qui importe par-dessus tout. Ist wichtiger als die Helden, als was sie sagen, weil das kommt von der Struktur und nicht umgekehrt. C'est plus important que la vie des personnages ou que ce qu'ils peuvent raconter, parce que tout part de la structure et non l'inverse. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Je suis quelqu'un qui a peur. Das ist nach dieser ersten Bombennacht, woran ich erinnern kann, nicht verwunderlich. Ce n'est pas étonnant après avoir vécu cette première nuit de bombe. Ich bin ein ängstlicher Mensch und ich muss gegen meine Ängste, gegen meine Depression ständig ankämpfen. Je suis quelqu'un d'anxieux qui doit constamment lutter contre ses peurs, contre sa dépression. Und ich will der Angst in seinen körperlichen Zustand zeigen. Mais quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est montrer l'état physique de la peur. Weil das zeigt die Struktur des Angstes. Parce que je veux en révéler la structure. Wie Theaterleute sagen, comme disent les gens de théâtre, sollst nicht unbedingt auf der Bühne weinen. On n'est pas obligé de pleurer sur scène. Es ist genug, wenn ich in den Zuschauerraum weine. Il suffit qu'on pleure dans la salle. Also, das ist nicht meine Aufgabe, wenn ich schreibe, weinerlich zu sein oder ängstlich zu sein, sondern umgekehrt. Mon rôle d'écrivain n'est pas de pleurnicher ou d'être moi-même dans la peur. Diese Angst zersetzen, sezieren. Mon rôle und dadurch die Bestandteile zu zeigen. Est au contraire de décomposer, de disséquer cette peur pour en révéler toutes les composantes. Und wenn sie dann Angst kriegen als Leser, dann bin ich glücklich. Et si cela fait naître de la peur chez le lecteur, je suis un homme heureux. Gott sei Dank sehe ich nicht oder niemanden, wenn jemand liest. Dieu merci, je ne suis pas là quand on me lit. Mit den Erinnerungen ist es so. Die Erinnerungen sind ja wie Geister oder wie Gespenster. Les souvenirs surgissent comme des fantômes ou comme des esprits. Also wir erinnern uns ja, wenn wir uns erinnern, et pour peu que l'on s'en souvienne, bestimmte Szenen. C'est toujours le souvenir de certaines scènes qui revient. Das meiste vergessen wir ja. La plupart des choses, on les oublie. Wir erinnern uns an schmerzvolle Szenen. Et ce sont le plus souvent des scènes douloureuses qui marquent le souvenir. Und ich finde das sehr schade. Curieusement, le bonheur est quelque chose dont on ne se souvient que très peu. Et je trouve cela très dommage. Aber traumatische Erlebnisse setzen sich irgendwie fest. Au contraire, toutes les expériences traumatisantes se fixe pour ainsi dire dans la mémoire. Also nicht aufgelöst werden. Surtout celles qui ne sont pas résolues. Und ich denke, dass Erinnerung im Grunde Mais je pense au fond einer Sprache bedarf, sie entsteht erst in der Imagination. Que auch. Tout type de souvenir nécessite un langage et qu'un souvenir ne peut naître que grâce au travail de l'imagination. Es gibt sozusagen eine Form des unbewussten Erinnerns, des schmerzvollen Erinnerns. Des Betroffenseins. Le souvenir à l'état inconscient, douloureux, affectif, existe bel et bien. Aber wenn man das nicht schafft, das in eine Sprache zu bringen oder zur Sprache si l'on zu ne bringen, parvient pas dann ist auch die Erinnerung ungenau. À le traduire dans un langage ou à le transformer en langage, ce souvenir restera imprécis. Das heißt, Erinnerung in der Literatur ist immer beides, ist gleichzeitig. Ce que je veux dire par là, c'est que le souvenir tel qu'il apparaît dans la littérature est toujours deux choses à la fois. Erinnerung an das, was geschehen ist, aber es ist gleichzeitig auch eine Erfindung. C'est bien sûr le souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est également le produit d'une invention. Es ist immer beides, und das ist das Phänomen der Erinnerung. C'est toujours les deux à la fois. Das heißt, Erinnerung wird auch konstruiert oder hergestellt, vor allem und nur in der Sprache. C'est cela le phénomène du souvenir. Kann Erinnerung anschaulich sein. C'est quelque chose qui est aussi construit ou fabriqué. Et c'est seulement à travers le langage qu'on peut donner au souvenir toute sa clarté. Das heißt, die Erinnerung ist manchmal sehr konzentriert, manchmal weitet sie sich aus. Parfois le souvenir est très condensé. Parfois il a au contraire tendance à s'étirer. Manchmal ist sie räumlich. Parfois il se déploie dans l'espace. Manchmal ist sie, ja, also nur ein Gefühl. Parfois, il n'est qu'une simple sensation. Es gibt also sehr, sehr unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Il existe d'innombrables aspects du souvenir. Manchmal, mir haben zum Beispiel bestimmte Gesichtszüge geholfen, also wenn ich sie auf Fotografien betrachtet habe. Il m'est parfois arrivé de m'aider de certains traits du visage que j'ai pu glaner sur des photos. Ich habe sehr oft die Fotografien meiner Großtanten betrachtet, die auch im Konzentrationslager waren. J'ai souvent contemplé des photos de mes grand-tantes qui ont traversé elles aussi l'expérience des camps. Und man denkt sich dann was dabei, nicht wie diese Frauen gelebt haben oder nicht gelebt haben. On s'imagine alors toutes sortes de choses sur ce que ces femmes ont pu vivre ou ne pas vivre. Aber das sind dann alles so Fantasien, die man hat. Ce ne sont là que des projections de l'imagination. Und diese Fantasien, auch die Fantasien einer Schriftstellerin, unterscheiden sich natürlich von den wirklichen Leben dieser Frauen. De tels fantasmes, y compris ceux qui naissent dans la tête d'une écrivaine, diffèrent bien évidemment de la vie réelle qu'ont pu mener ces femmes. Also, das ist ja auch das Gute daran. Mais c'est précisément cela qui est bien. Il n'y a plus rien, sinon le temps devenu vacuité entre nous. En contemplant la photo, il me semble sentir obscurément ce contact, ni sur toi, ni même sur moi, mais quelque part suspendu dans l'air vide entre nous. Et lorsque je détourne la tête pour commencer à écrire, cette obscure impression s'évanouit elle aussi. Je m'appelle Gabor Schein, je suis un écrivain hongrois. J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'étais tout petit. Pendant très longtemps, je n'ai écrit que des poèmes. Et puis, il y a eu un tournant. Le jour où j'ai trouvé des photos, il pleuvait, je marchais dans la rue, quand soudain j'ai aperçu un tas de photos éparpillées sur le sol, comme si quelqu'un avait fait tomber un album par la fenêtre. Comme ça, dans la rue. C'était des photos de famille. Ces moments de vie d'une famille que je ne connaissais pas du tout sont venus en quelque sorte combler les trous du récit que j'ai commencé à écrire. Un roman qui mêle l'histoire de cette famille inconnue à celle de ma propre famille. Je viens d'une famille juive, à la fois du côté paternel et maternel. Du côté maternel, on me racontait beaucoup de choses sur le passé. Et on me parlait aussi de l'ancien temps, de cette vie merveilleuse que mes ancêtres avaient vécue dans leur petit village. Cela ressemblait un peu au mythe de l'Atlantide, au récit d'une île engloutie. L'île de la félicité. Et puis l'histoire se poursuivait avec les récits de la déportation. Tout ce que ma famille avait vécu dans différents camps. Du côté paternel, c'était tout le contraire. C'était une famille qui ne racontait rien, qui restait totalement muette. L'écriture est ce qui me permet de convoquer toutes ces histoires, de leur donner vie. Et les photos y participent à leur manière, car elles me plongent dans un tourbillon, le tourbillon du désespoir. Vie et mort, passé, présent et futur, tout se met à danser sur une photo. Tout se met à tourbillonner. La vie et la mort. Le connu et l'inconnu. Avec une photo, on franchit d'une certaine manière la frontière du vraisemblable, du réel. Pour moi, la littérature, c'est précisément cela. C'est ce qui va au-delà de sa propre limite. Ça, ça m'avait fasciné quand j'avais lu les premiers romans de Gabor. C'est ce tâtonnement existentiel. Cette façon de recourir à des photos, à des petits morceaux de traces pour essayer de décrire une histoire. Une écriture d'héritier, très pudique, très inquiète, dans le fond. Et c'est une façon d'approcher un espoir de catharsis, même si, dans le fond, je pense que cette génération sait qu'elle ne peut pas avoir de catharsis. Mais en tout cas, elle essaye. Pour moi, l'écrivain a l'immense supériorité sur l'historien de risquer une parole. Et l'écrivain, pour cela, a une liberté complète. Il est une espèce de vigie. L'historien, lui, ne peut pas faire ça. Sinon, il n'est plus historien. Donc, il ne peut venir qu'après. Parce que faire retour vers le passé, à quoi ça sert? C'est uniquement une nécessité de faire futur. C'est une nécessité d'advenir. La nécessité du retour, c'est la nécessité de l'advenir. Si vous pensez aux schémas de Paul Klee qui sont comme ça, comme des spirales, et puis tout à coup, bzzou, vous avez une espèce de flèche qui s'en va. C'est ça le retour. Le retour est absolument productif du futur. Il faut du retour pour aller vers le futur. Der Engel des Vergessens dürfte vergessen haben, die Spuren der Vergangenheit aus meinem Gedächtnis zu tilgen. L'ange de l'oubli a dû oublier d'effacer de ma mémoire les traces du passé. Er hat mich durch ein Meer geführt, in dem Überreste und Bruchstücke schwammen. Il m'a fait traverser une mer où flottaient vestiges et fragments. Er hat meine Sätze auf dahintreibende Trümmer und Scherben prallen lassen, damit sie sich verletzen, damit sie sich schärfen. Il a fait s'entrechoquer mes phrases avec des ruines et des débris charriés par les eaux pour qu'elles se blessent, pour qu'elles s'affûtent. Er hat die Engelbildchen über meinem Kinderbett endgültig entfernt. Il a définitivement chassé l'image de l'angelot accroché au-dessus de mon lit. Ich werde diesen Engel nicht zu Gesicht bekommen. Er wird keine Gestalt haben. Je ne le verrai pas, cet ange. Il restera sans forme. Er wird in den Büchern verschwinden. Il disparaîtra dans les livres. Er wird eine Erzählung sein. Il sera un récit. Okna tego domyku cudnie słońcu lśnią, jakbyś je oczy przechodziły łzą. Les retours du passé. Avec Johann Chapoutot, historien du nazisme, Julia Chimiak, guide au Musée Poli de Varsovie, Piotr Tsivinski, historien directeur du musée de Birkenau, Georges Didi Huberman, historien d'art et écrivain, Maya Haderlap, écrivaine, François Hartog, historien, Christian Ingrao, historien, Hanna Kral, journaliste et écrivaine, Peter Nadosh, écrivain, Doron Rabinovitch, historien et écrivain, Clara Royer, historienne et scénariste, et Gabor Schein, écrivain. Voix, Andrea Schiffer, Igor Menjinski, Alexandra Yermak et Arben Bayraktaray. Remerciements à Yorki Dragoman, Joël Dufeuilly, Chiara Benmestoura, Lutz Zeiler et Bernard Banoun. Traduction, Agnès Kazgieb, Christine Le Cerf. Documentation, Maria Contreras. Prise de son, Benjamin Thuot, Éric Boisset et Titouan Oex. Mixage, Benjamin Thuot. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Vieux enfants, survivantes, historiens, auteurs et écrivaines, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous écouter en Pologne, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec la littérature fantastique et on jouera à se faire peur avec Dracula, les zombies et les fantômes. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.